Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, même si on va pas se mentir, hein, samedi c'était très pluvieux, mais hier c'était plutôt une journée agréable. En tout cas j'espère que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine qu'on va passer ensemble. Et en ce lundi 13 mai, nous souhaitons une bonne fête au Roland, ça vient du germanique, signifiant gloire du pays, du charme, de la sensibilité, de la vivacité et de la sensualité. Telle apparaît Roland, qui attire le regard et la sympathie. C'est une femme sociable et extravertie qui sait plaire et faire régner l'harmonie autour d'elle. Curieuse, bavarde et adaptable, elle respire la joie de vivre et la bonne humeur. Elle possède un caractère optimiste, facile et gai. Le découragement ne l'atteint pas et elle sait dédramatiser les situations. Elle est équilibrée, bien que souvent hyper nerveuse, et elle tente à apaiser les situations car elle déteste les conflits de toutes sortes. Même si elle est impatiente et s'emporte fréquemment, elle n'aura de cesse que ne rétablisse la paix. Elle est coquette, séductrice, et a l'art de la persuasion. Elle peut être douée pour les langues, le chant ou même l'imitation. Ses critères sont fondés sur le sentiment, l'esthétique ou la beauté. Elle recherchera la perfection. Maniaque et paradoxalement désordonnée, on la verra passer 2 heures dans sa salle de bain alors qu'elle négligera de faire son lit. Volontaire, elle est capable d'assumer des responsabilités mais n'est pas ennemie de la facilité. C'est une sentimentale qui n'agit, n'entreprend et n'assume que quand elle se sent heureuse. Dans le cas contraire, elle peut se laisser aller à une douce indolence. Dicton du jour, ça y est, débute la période des saintes glaces, néfaste pour l'agriculture et le jardinage, mais propice aux dictons météorologiques comme aujourd'hui. Après Sainte-Rolande, l'été fait place grande. Célébration internationale aujourd'hui en Équateur, c'est la fête de l'indépendance qui commémore la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Grande Colombie en 1830, et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 13 mai. On va donc tout de suite marquer la première pause musicale avec Stevie Wonder et son titre I Just Called to Say I Love You. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No sun. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks. But what it is Wonder sur RGM. Il est un petit peu plus de 8h37 et il est temps pour nous de parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 13 mai 1939, naissance d'Harvey Keitel, acteur américain vu dans Taxi Driver dans le rôle de Sport Matthews, Buffalo Bill et les Indiens, Thelma et Louise dans le rôle de Al Slocum, Reservoir Dogs dans le rôle de Larry Dimmick alias White, Sister Act dans le rôle de Vince LaRocca, La Leçon de Piano, Pulp Fiction dans le rôle de Winston Wolf, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, Benjamin Gates et le Livre des Secrets dans le rôle de l'agent Peter Sadusky ou encore Inglourious Basterds. 1947, naissance de Laurent Cabrol, homme de télé et de radio français qui a présenté de 89 à 91 Des Chiffres et des Lettres, de 93 à 97 Une Famille en Or ou encore de 94 à 2008 Télé-Shopping. 1948, naissance de Daniel Russo, acteur français vu dans La Boum 2, Les Frères Pétard, Génial, Mes Parents Divorcent, Le Hussard sur le Toit, Ma Femme Me Quitte, les films Marius et Fanny dans le rôle de Félix Escartefig, Les Trois Frères, Le Retour, la série télé La Vie Devant Nous dans le rôle de Daniel, ou encore dans Joséphine Ange Gardien ou bien Les Toqués. 1949, naissance de Zoé Wanamaker, actrice britannique vue dans Oscar Wilde, Harry Potter à l'école des sorciers dans le rôle du professeur Bibine, à la télé dans Ma Tribu ou encore Hercule Poirot. 1950, naissance de Stevie Wonder, chanteur américain. 1956, naissance de Christine Bravo, animatrice télé française, radio également, qui a présenté l'émission Froufrou entre 92 et 94, Union Libre entre 98 et 2002, et depuis 2013, elle présente l'émission Sous les jupons de l'histoire sur une chaîne de la TNT. 1961, naissance de Dennis Rodman, ancien basketteur américain, ayant fait carrière de 1986 à 2000, en jouant aux Pistons de Détroit, aux Spurs de San Antonio, aux Chicago Bulls, aux Lakers de Los Angeles, aux Mavericks de Dallas, 5 fois champion NBA en 89 et 90 avec Détroit, en 96, 97 et 98 avec les Chicago Bulls, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l'histoire de la NBA. 1969, naissance de Nikos Aliagas, présentateur télé franco-grec qui a présenté la Star Academy de 2001 à 2008. Depuis 2007, il présente 50 Minutes Inside. Depuis 2012, The Voice, la plus belle voix. Depuis 2014, The Voice Kids. 1973, naissance de Franck Dumoulin, tireur au pistolet français, champion de France à de multiples reprises, triple champion d'Europe, double champion du monde. Il a remporté le titre olympique sur le pistolet à 10 mètres aux Jeux d'été de 2000 à Sydney. 1977, naissance de Samantha Morton, actrice britannique vue dans Minority Report dans le rôle d'Agatha, Elisabeth L'Âge d'Or dans le rôle de Mary Stewart, Les Animaux Fantastiques dans le rôle de Marilou Belbus, et depuis 2019, elle interprète Alpha dans la série The Walking Dead. 1979, naissance de Mickey Madden, musicien américain du groupe Maroon 5. 1980, naissance de Kamel, l'ancien rappeur français, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Le charme de la tristesse ». Kamel l'ancien, c'est du lourd comme Aznavour. C'est pour Yahya, Mamadou et Steve. C'est pour Oujda, Bamako et Steve. Je viens tout niquer comme les généraux en Algérie. Ouais, la rue me kiffe, elle m'appelle mon chéri. J'ai toujours pas de femme, je fais l'amour à ma feuille. J'aime la misère, tous les jours elle m'accueille. Traîne à Kremlin, traîne à Greeny Hood. Je fais toujours le même chemin, je suis pas radin, je suis pas ni hood moi. J'aime mes frangins, toujours à jeun. On rêve de compète, on rêve de cage hein. L'M6 la bête, mais qu'est-ce tu veux frère? Mais qu'est-ce tu veux faire? Ils ont rien dans la tête. À part des rimes, moi le rap c'est secondaire. La tête sur les épaules et les pieds sur le terre-terre. Un, jean 501, une paire de TN, un banlieusard, Kamel l'ancien. Je suis simple comme mon hall, comme mon ghetto. jamais. Voilà pour l'extrait de Kamel l'Ancien. Allez, on continue les anniversaires. 1981, naissance de Florent Motte, chanteur français. 1985, naissance d'Iwan Rheon, acteur britannique, connu pour son rôle de Simon Bellamy dans la série Misfits et son rôle de Ramsay Snow alias Bolton dans la série à succès Game of Thrones. 1986, naissance de Robert Pattinson, acteur, chanteur britannique, vu dans Harry Potter et la Coupe de Feu dans le rôle de Cédric Diggory, connu pour son rôle d'Edward Cullen dans la saga Twilight, vu également dans Remember Me, De l'eau pour les éléphants ou encore Bellamy. Et dans Twilight chapitre 1, on peut entendre une chanson de Robert Pattinson dont on écoute tout de suite un petit extrait. Broken tree, hands are all twisted, pointing at me. I was down by light coming, all the light see, spoke with a voice that disrupted the sky. She said, walk all over, yeah, it's a bitter shade. I'll wrap you in my arms and said, let me sign. Let me sign. Voilà pour l'extrait de la chanson de Robert Pattinson qu'on entend, je vous le rappelle, hein, dans Twilight chapitre 1, intitulé Let Me Sign. On continue les anniversaires. 1987, naissance de Candice Akola, actrice américaine, vue à la télévision dans Supernatural, connue pour son rôle de Caroline Forbes dans la série à succès Vampire Diaries. Elle est également apparue dans quelques épisodes de la série qui a suivi The Originals. 1989, naissance de Pekka Subban, joueur de hockey sur glace canadien, qui de 2009 à 2016 a joué pour les Canadiens de Montréal et depuis 2016 il joue pour les Predators de Nashville. 1993, naissance de Romelu Lukaku, footballeur international belge professionnel depuis 2009 ayant joué à Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton et depuis 2017 il joue à Manchester United. C'est également l'année de naissance de Debbie Ryan, actrice américaine connue pour son rôle de Belle et Piquette dans la série La Vie de Croisière de Zack et Cody et son rôle de Jesse Prescott dans la série Jesse. En 1961, décédé Gary Cooper, acteur américain, vu dans Les Aventures de Marco Polo dans le rôle de Marco Polo, Sergent York dans le rôle d'Alvin York, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, Le Train Sifflera trois fois dans le rôle du Marshal Will Kane, récompensé également par l'Oscar du meilleur acteur. En 2005, décédé Eddie Barclay, producteur de musique français, l'un des plus importants éditeurs et producteurs de musique française entre les années 50 et les années 80. En 2018, décédé Margot Kidder, actrice canadienne connue pour avoir incarné Lois Lane dans la saga Superman entre 1978 et 1987 aux côtés de Christopher Reeve. Allez, tout de suite, une nouvelle pause musicale avec Maroon 5 et leur titre Girls Like You. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On the last flight to you, I took a whole day, yeah. trying to get way up the moon. We spent the daylight trying to make things right between us. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. 'Cause girls like you, girls like you, guys like me, so when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me, do what I want. When I come through, I need a girl. Girls Like You, les Maroon 5 sur le 107 FM, 8h50, tout juste passé de quelques petites secondes, et nous on parle météo. La météo. Eh bien aujourd'hui ce sera une belle journée ensoleillée, on peut chanter le lundi au soleil de Claude François. Il y aura quelques petits nuages mais rien de bien méchant. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Mardi, soleil avec là aussi quelques petits nuages. Du fait du soleil, eh bien les températures sont fraîches le matin, elles seront comprises entre 3 et 4 degrés pour mardi matin. Et on aura entre 12 et 13 degrés pour mardi après-midi et pour mercredi. Soleil avec également quelques petits nuages. Des températures entre 5 et 6 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés l'après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive chargée comme tous les lundis matins. Les résultats sportifs. Au programme du foot, du basket, du hockey, de la Formule 1 et du tennis. En football, en Ligue 1, Montpellier s'est imposé 1-0 à Saint-Étienne. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 à Angers. Amiens et Toulouse ont fait match nul 0 partout. Caen s'est imposé 3-2 face à Reims. Dijon s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Nice et Nantes ont fait match nul 1-1 partout. Nîmes s'est imposé 1-0 face à Monaco. Rennes et Guingamp fait match nul 1-1 partout, et de ce match nul, eh bien, résulte que Guingamp est relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Lille s'est imposé 1-0 face à Bordeaux, et l'Olympique Lyonnais s'est imposé dans l'Olympico face à Marseille 3-0. Avec cette défaite, l'Olympique de Marseille dit adieu à l'Europe. Et quant à Lille et Lyon, eh bien, c'est quasi fait, hein, pour la Ligue des Champions. À noter qu'en Ligue 2, Nancy a remporté le derby 1-0 face à Metz. En National 2, lourde défaite d'Épinal à Lens 2, 6-2. En National 3, Rennes l'étape s'est incliné face à l'équipe 2 de Nancy, 3-1. Et Thaon-les-Vosges a fait match nul à Amnéville, 0-0. À noter qu'en Angleterre, c'est Manchester City qui a été sacré champion ce week-end. Un mot de basket avec la Pro B et la défaite du SLUC Nancy, 84-88 face à Grisoberhofen. Et en National 1, défaite du Jet Vosges hier à Tarbes, 84-80. Avec cette défaite, le Jet Vosges est relégué sportivement en National 2. Oui, je dis sportivement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pour les clubs de National 1, administrativement parlant. Et du côté de la NBA, cette nuit, l'équipe de Toronto a battu Philadelphie, 92-90. Cette victoire permet à Toronto de se qualifier pour les demi-finales. Toronto affrontera Milwaukee et dans l'autre demi-finale, les Golden State Warriors affronteront l'équipe de Portland. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne remporté par Hamilton devant Bottas et Verstappen. Charles Leclerc a terminé 5e, Pierre Gasly 6e et Romain Grosjean 10e. Un mot de hockey sur glace avec les championnats du monde où l'équipe de France avait pas trop mal démarré samedi après-midi, mais c'était tout de même incliné face au Danemark, 5-4 après les tirs au but. Le meilleur joueur de cette rencontre était Claireaux. Et hier, lourde défaite face aux Américains. Les Américains qui d'ailleurs voulaient se reprendre dans la compétition après leur défaite d'entrée. Et donc, défaite des Français 7-1. Le but français signé Anthony Rec et le meilleur joueur de cette rencontre était Kevin Ekfeuille. Prochain match pour l'équipe de France, ce sera mardi, demain, contre l'Allemagne à 20h15 et ce match sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Et on parle tennis avec les résultats de Madrid. Côté féminin, Bertens a remporté le tournoi en battant en finale Simona Halep en 2-7, 6-4, 6-4. Et côté messieurs, c'est Novak Djokovic qui a remporté le tournoi en battant en finale à Tsitsipas en 2-7, 6-3, 6-4. Hier a débuté le tournoi de Rome. Côté féminin, à noter les qualifications de Mladenovic et d'Alizé Cornet. Aujourd'hui, pas de française, mais Serena Williams affrontera Peterson. Venus Williams se repose à Mertens et Keys affrontera Hercog. Et côté messieurs, à noter hier l'élimination de Gilles Simon en 3-7 face à Kohlschreiber, l'élimination de Luca Pouille en 2-7 face à l'Italien Berrettini et la qualification de Benoît Paire. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Richard Gasquet et Jérémy Chardy. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr d'avoir un Français au prochain tour. Joe Wilfried Tsonga aura un gros match face à Fabio Fognini et Gaël Monfils lui affrontera Ramos Vinolas. C'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Florent Motte et son titre Les blessures qui ne se voient pas. Au mieux pour sauver la face, pour que Laurent Motte, les blessures qui ne se voient pas sur RGM. Il est bien presque 8h59, on va faire un petit point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de Clip Clap, on tourne. À 11h, la Christoire du cinéma. 13h30, les coups de cœur d'Aurélien. 15h, Salut les 60 avec Gérard. 17h30, la rediffusion de la Christoire du cinéma. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Avec le générique, c'est mieux, hein. Allez, ciao, bye bye.